connu un pays où le soleil a disparu du monde. Aujourd'hui, c'est la pluie que pleure le ciel dans sa belle et profonde. Mon cœur s'est endormi pour quelques larmes de pluie. De pluie, j'ai